nächtens wart ich trunk in einem selten Rum. Bin gleich darin versunken, bei Land hab ich wohl immer noch. Bei Land hab ich wohl immer noch. Beider Arme kraftvoll stehen ich aus des Lorres Grund. Wollten trotzig hell nicht fallen, sehen das Gemächer in den Grund. Das Gemächer in den Grund. Autour de vous, les racines vieillards de ce vénérable qui a poussé au sommet de la combe et tendent leurs doigts avides, ruisselants de l'eau accumulée au dehors depuis des jours. La gode et dragon ont eu au fait de regagner l'abri que prodiguait cette espèce de grotte creusée dans les racines de l'arbre, laissant la noire pénombre des tréfonds de la grotte pour garder et évacuer les fumées de ce qui reste de votre petit feu qu'avait allumé le sage rencontré plus tôt, le sage qu'a roué de coups Moritz. Moritz est bien mort pourtant. Son cadavre gît dans la boue au tréfonds de la combe, en contrebas. Vous en êtes effectivement débarrassé. Laissez passer quelques temps avant de retrouver la position qui était la vôtre, avant que ne vous quittent les rangs croisés sur le chemin, avant que la chose ne sorte du crâne de Moritz, la chose que Smerdi a écrasée sous son pied. Hertz s'agite quelque peu, marmotte quelque temps, mais finit par s'assoupir aux côtés de la gode et de dragon, tous les trois serrés les uns contre les autres, essayant de partager leur seule richesse, la chaleur de leur corps. La chaleur que leur corps peut encore communiquer. Vous avez vous-même froid, vos gorges sont sèches, et vous rejoignez bientôt dans les méandres du sommeil vos jeunes amis. Smerdi, il n'est plus question pour toi de lutter contre le sommeil qui se rappelle à toi et où tous les souvenirs convoqués des ortillons, du cachel mêlé, d'autres histoires glanées sur les chemins, même celles vécues avec autrefois Moritz, lorsqu'il t'a pris la langue des bois, c'est bien cela ? Oui. Tu as dit au jeune Hertz, pour le rassurer, je suppose, sur la justesse de votre geste envers Moritz, tu lui as dit combien il a été vil, ce Moritz, mais en es-tu convaincu toi-même ? Oui, pour sûr. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir fait de si mal ? Les yeux des innocents. La vie. Toi aussi, ils sont... L'âme de ces jeunes frères, gamins, qui étaient venus à notre rencontre alors qu'on était partis, il les a tous tués juste pour préserver son honneur. Et pourtant, tu étais avec lui. Et tu n'as rien fait pour les défendre. Tu sais. Si. Qu'as-tu fait, non ? Sans qu'il ne veuille te tuer. Il m'a transpercé dans le dos. D'un large coup d'estoc. Mais la reine du bois n'est pas maléfique. Elle préserve celle de certains. Elle en soigne d'autres. Elle en rejette certains. Donc, tu as été sauvé par la reine de la forêt, que tu as protégé des gamins qui essaient de trucider. Pourtant, ça ne devait pas être la première fois qu'il le faisait. Et pourtant, tu étais avec lui. Pourquoi ? Ce n'est pas moi qui en ai décidé ainsi. Qui a donc décidé ainsi ? Mais les naufrageurs, ils se mènent pas ensemble par affinité. T'as vraiment jamais été naufrageur, toi. T'es un planqué comme les autres. Et tu te mets à juger. Juste pour comprendre, qu'est-ce qui va m'arriver si je reste avec toi ? T'as jamais été un naufrageur. Bon, tu es a priori sourd. Je viens de te répondre. Comment résonne en toi cet épisode, tes rêves ? Comment... Comme la preuve que toute la communauté n'est qu'une communauté pourrie. Tu éprouves du ressentiment, y compris aux autres, envers les autres membres des Ortillons ? Oui. Jamais ils ne se sont enquis de ces gamins-là. Jamais ils n'ont soupçonné Moritz. Ne serait-ce pas parce que, justement, l'oubli, le temps et la distance ont estompé leurs souvenirs ? C'est surtout qu'ils étaient trop lâches. Et toi, tu n'as pas été lâche ? Parce que tu ne l'as pas empêcher Moritz de terminer le travail ? Hein ? Tu crois que je suis pas laissé comment ? Que tu es ? Tu crois que... Pourquoi je suis blessé ? Simplement parce que un gamin m'aurait cisaillé dans le dos ? A priori, tu y as survécu. Donc, s'il était si horrible que ça, comment se fait-ce que tu l'aies laissé dans la nature au lieu de t'enquérir plus vite ? Il avait fui. Quand je suis revenu, il avait fui. Il avait fui. Pour quelle raison ? Il t'avait mis au tapis et tu as dû être sauvé par une entité supérieure. Étant la déesse de la forêt, si je ne m'abuse. La reine du bois ? Il a fui pour un souvenir d'autres crimes plus terribles encore. Donc il n'a pas fui, il s'est déplacé. Oui. Et il se mouvait comme une araignée. Je ne pouvais pas le retrouver. Alors, pourtant... Le planqué, il va se la fermer. Pourtant, il me semble que... Tu n'étais pas contre son extinction il y a quelques secondes. Pourtant, qui est le plus horrible ? Celui qui tue des innocents ? Celui qui tue de sang-froid ? Un tueur d'innocents ? Je m'en fiche de ton avis. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Tu peux me traiter de pourri autant que tu veux, je l'ignorerai. Ah ouais. Alors comme ça, lorsqu'on tue devant toi, tu ne réagis aucunement ? Et pour toi, le plus horrible des deux, c'est celui qui réagit et qui tue le tueur. Tu préfères rester planqué à te plaindre du côté mauvais de l'homme en le laissant... Je me demande uniquement si je ne suis pas le prochain sur ta putain de liste noire. Je n'ai aucune liste. Je ne veux juste pas laisser proliférer des tueurs. Une liste noire mentale, si tu préfères. Car Moritz, c'était l'une de tes cibles. Quand tu l'as vu, je crois qu'on n'a pas remarqué l'étincelle... de malice, de maléfice qui était en toi. Il n'y avait aucune lueur. Maintenant, bien sûr, sorcellerie, en plus de ta lâcheté, de ta couardise, tu te vêtis de... couardise, car je sous-entends que dès que tu l'as vu, tu as voulu le tuer. C'est de la couardise, on n'a pas la même définition alors. T'as pas été capable de réagir par toi-même. T'as encore dû demander aux autres. T'as encore dû être une marionnette. Parce que autrement, les remords se ressentiraient sur toi. Tu es servile et c'est cette servitude qui te fait vivre. Eh bien, écoute, je suis peut-être servile. Mais au moins, je ne rêverai pas fou. Et juste des principes. Tu obéis seulement pour t'alléger de tous les doutes, de tous les remords que tu peux encourir. Et toi alors ? On en parle ? Le fait que tu aies voulu le tuer, c'est quoi à part assouvir une pulsion que tu aurais développée en le voyant tuer et te venger ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est alors ? 1 pour 3 ou 3 pour 1 ? Il n'y a aucune relation qui puisse tenir dans ce genre de situation. Écoute. Écoute le planqué. T'as jamais vécu dans ces bois. T'as toujours été dans les ortillons. T'as toujours vécu chichement. Chichement ? Dans des ortillons ? On n'a pas la même définition alors. C'était peut-être plus chiche que là où t'habitais, mais on a une autre définition de chichement. T'étais toujours avec les vieux, hein ? Toujours. Et alors ? T'es jamais sorti de ton trou, et tu juges tout le monde, hein ? Ah oui ? Mais pourtant c'est pas le rôle de l'homme de juger les autres ? La preuve ? Là, parce que tu es sorti de ton trou, justement, tu me juges ! Parce que j'ai pris du recul, vois-tu ? Du recul ? Parce que j'ai... Du recul alors que vous venez de tuer un homme de sang-froid. J'ai connu mieux comme argument, hein ? Tu te dis pas que parfois faudrait se remettre en question avant d'injurier celui qui vient de te sauver ta peau ? Il était assommé. C'était inutile de le tuer. On aurait pu le réassommer plus tard. Il nous aurait suivi. Ah oui, il nous aurait suivi. Mais on l'aurait réassommé et au bout d'un moment on l'aurait semé. Jamais tu ne sèmes l'araignée. Mais... Il a tissé sa toile dans tout le bois. Alors tu m'expliques comment toi tu as pu lui échapper dans ce cas-là ? C'est parce que tu es si fort ? Je n'étais pas sa proie. En raison de la protection de la reine du bois ? Aucunement, je n'étais pas sa proie. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, tu l'as défié lors de sa chasse. C'est vrai que ce n'est pas une raison suffisante pour que tu en deviennes sa proie. Parce que d'après ça... Je n'étais pas une proie intéressante à son goût. Pas une proie suffisamment excitante. Peut-être. Dans ce cas-là, tu m'expliques pourquoi là, on était devenu une proie plus excitante alors que... Parce que nous sommes des voleurs. Parce que t'as laissé un criminel fuir et que tu as un... C'est la loi de la... C'est pas ta pauvre loi où personne ne meurt et où on est dans un monde de bisounours qui règne ici. Mais écoute, au moins l'avantage avec les bisounours, c'est que si on a fait une erreur de jugement, elle n'est pas écrite de façon indélébile dans le grand parchemin d'histoire. Et tu vas réagir quand ? Quand est-ce que tu vas prendre des... Eh bien écoute, soit ! Je te soupçonne d'avoir tué les gosses, donc je te tue. Et si jamais c'est faux, j'aurais tué un innocent. Et lorsqu'ils sont sous mes yeux, c'est mort ? Lorsqu'ils sont devant mes yeux, ces actes ? Qu'est-ce qui nous prouve que tu ne mens pas et que ce n'est pas toi le tueur ? Et que tu essaies de tuer l'unique témoin qui restait ? Il m'aurait dénoncé, en ce cas. Pourquoi il nous aurait dénoncé ? On s'est affilié avec un tueur, selon lui, si ma théorie est juste. Il n'aurait aucune raison de converser. On était à ta botte, avec d'autres choix de t'éliminer. Je prends ton raisonnement, hein. Et ta situation m'est inversée. Ou ça se trouve, vous étiez de mèche. Sauf que lui, il assumait pleinement ses actes. Et toi, non. Donc toi, il fallait que tu trouves un bouc émissaire. Pour faire porter le chapeau de tous les actes qui se sont déroulés. Donc, quoi de mieux que ton ancien frère d'armes que tu aurais lâché ? Et pourquoi cette blessure ? Cette blessure, c'est très simple. Quand tu as commencé à vouloir te séparer de lui, tu as dû l'injurier pour qu'il puisse se retourner contre toi et que tu aies une raison de le tuer. Donc, il t'a blessé. Je le prends par le cou. Je le jette contre le mur. J'ai quand même le droit de reposter, hein. Oui. Je veux bien qu'on soit dans le descriptif, mais j'ai le droit de reposter, hein. Je décris l'action. J'essaie d'empêcher la saisie avec mes avant-bras. Et j'utilise mes genoux à profit afin de lui foutre des coups dans l'entrejambe. Il m'approche pas. Qu'est-ce qui t'habite, c'est le souvenir de... C'est tout, c'est tout ce qui m'in... Il m'injure, là. Il me compare à ce tueur. Il t'injurie. Ok. Je pense que t'es mal. T'es mal. Bon, écoute, c'est qu'un personnage. Ce n'est qu'un personnage. Ah non, mais moi aussi, je le prends même si... Là, je le joue complètement, mon personnage. Tu le projettes donc contre la paroi. La paroi encore ruisselante d'eau. La boue gicle autour de vous. Vous glissez, se retrouve au sol, s'écroule sur les gamins. Hertz se redresse. J'aurais pris un râle de douleur et... Sans me relever, c'est tout. Il te regarde les yeux effarés. Sans me... Essayant de me relever, du coup, j'essaye d'utiliser mes jambes en ressort pour lui foutre un coup de poing, peu importe, quelque part sur son corps, la cible suffisamment grande. Enfin, large. T'es un planqué et tu uses de tous les moyens pour... discréditer pour faire tuer les autres. T'es qu'un assassin. Tu vaux pas mieux qu'Hertz. Tu vaux pas mieux que Moritz. Quoi? Tu confonds. Bon, je m'étalais comme une merde, mais c'est un détail. Et moi, je patauge dans la boue. Je marche avec toute la force, de toute la hargne qui m'habite en mes genoux pour t'écraser dans la boue. Vu qu'il est concentré surtout sur le fait de me piétiner, on est d'accord qu'il est moins concentré sur le fait de rester en équilibre. Mm-hmm. Donc, si j'effectue un mouvement tournoyant et que j'y arrive, techniquement je fais tomber. Tu peux, oui. Ok. Donc, je me piétine, on repassera. Hein. Ok. Tu tombes. T'es qu'un lâche, un planqué qui profite des autres. T'es qu'un assassin. Effectivement. Un tueur de sang-froid. Vous êtes l'un et l'autre assis dans la boue. Chobdia étreint ton pied qu'il a soulevé en se retournant brusquement. T'as fait choir toi aussi au sol. Vous êtes au même niveau. Avec entre vous deux. Le brave Hertz qui dit « Mais arrêtez! Arrêtez! Arrêtez !» Alors si je te tue de sang-froid, pourquoi l'as tué? Encore capable de te défendre. Mais arrêtez! Tu ne m'assassines pas par les... Tu profites des armes. Tu ne profites pas des coups. Tu fais le coup bas. Tu lâches seulement des coups bas. Tu te... Pourtant, Tu te camoufles auprès de Moritz, si ma théorie s'avère exacte. Qu'as-tu fait auprès de Moritz dans ce cas-là? Tes théories, je m'en branle! Mes théories, tu t'en branles. Eh bien, écoute, je n'ai aucun moyen de savoir si ces théories sont exactes ou non. Ou si ce que tu nous racontes n'est pas un pur mensonge et que tu vas nous emmener auprès d'un énième acolyte pour qu'on se fasse bouffer, tuer ou ce que tu veux. Ça fait combien d'années que je suis dans la communauté? 15 ans. En 15 ans, j'aurais pu te tuer bien un nombre de fois beaucoup plus... nombreuses et en des occasions bien plus faciles pour moi que maintenant. Alors, si t'étais... Si j'étais un tueur de sang-froid, pourquoi je t'aurais pas tué durant ces 15 ans, justement? C'était cet échange mouvementé. Et devant vous, Dragon ouvre délibérément la bouche, ferme les yeux. Et lâche un cri déchirant. Un cri déchirant, lui, le muet. Je reviens interloqué. Donc, il ouvre démesurément la bouche pour lâcher un cri. La gaude s'approche. Et c'est elle qui reste silencieuse et qui murmure son cri mime. Ça fait plus qu'elle ne le dit, à tel point que vous doutez que le cri ait été proféré par Dragon ou la Gaude. En tout cas, il vous a arraché à votre échange d'Orion, de bassesse et de rancœur. Vous avez tout à coup toute la froideur accumulée dans ce long voyage qui vous a mené depuis les Ortillons jusqu'à cette hauteur. Au haut de cette combe, vous avez toute la fatigue qui s'est accumulée sur le chemin, qui rejaillit sur vos corps, vous assaille. Vous avez de la boue partout sur vous. La boue qui vous a maculé alors que vous rouliez au sol en essayant d'échanger les coups à défaut d'avoir des arguments qui portent et qui convainquent l'autre. Et là, vous vous retrouvez dans une chaleur avec laquelle vous renouez tout aussi brutalement. Et sans transition, vous vous trouvez les uns et les autres à côté, accolés les uns aux autres, transmettant votre chaleur, remâchant vos rêves, vos rancœurs, dans la froideur de cœur de nuit. Mais c'est bientôt le matin, et le cri que vous avez entendu, c'est le cri surgi des gorges d'Hertz, la Gaude. Vous êtes tous réveillés en sursaut. C'est presque aube, les quelques cendres qui demeurent du feu de brindilles qu'avait dressé le voyageur égaré sur le chemin de Cachel achèvent de se consumer dans une maigre fumée. Vous sentez, outre la fumée, l'odeur du sang répandu non loin de là, le sang de Moritz, votre propre sang que vous avez goûté en mordant la langue, vous éveillant en sursaut. Il est temps de reprendre la route. Avez-vous encore des provisions ? À ma connaissance, on avait quasiment tout épuisé. Il nous reste quoi faire un repas grand maximum, non ? Je ne sais même plus si on avait de quoi faire un repas. On regarde dans ton inventaire, c'est toi dans l'inventaire. Alors, moi, j'ai plus rien. On l'avait consommé. Moi, j'ai jamais rien. Donc... Ok, bon, bah, on a plus rien. Vous avez juste... Il me semblait que j'avais deux consommables d'or, c'est pour ça que j'ai dit que je croyais qu'il m'en restait. Mais non, j'en avais... Tiens. Vous l'avez mangé la veille au soir avec ce voyageur. Ouais. Et il ne vous reste effectivement plus rien à manger que votre aigreur à remâcher. Avez-vous une coutume pour tromper la faim? Avez-vous dans les ortillons Dans les ortillons, on cultive quoi déjà? J'ai un doute. Le cresson. Il y a pas, genre, tu sais, un peu comme du réglisse, mais sans que ce soit sucré, juste un truc à mastiquer qui est comestible. On a des feuilles. Vous pouvez mâchonner des feuilles. Merci pour l'idée. Bah du coup, je pensais mâchonner des feuilles. Mais le but, c'était de faire un peu comme le réglisse quand tu veux mastiquer un truc, parce que t'as besoin de mastiquer un truc. Le réglisse, c'est pas nutritif du tout. Non, mais je sais que c'est pas nutritif, justement. Mais ça les feuilles, même... ça a l'air d'être plus nutritif. Il est aussi les nèfles, par exemple, des fruits amers que l'on fait tremper longuement dans l'eau. Vous avez l'un de ces pots qui était porté par Hertz. L'un de ces pots où vous laissez macérer longuement les fruits les plus amers cueillis dans la forêt. Toute l'amertume se dépose dans le lait blanc et après avoir déganté suffisamment longtemps, même ce que les mertruis délaissent sur le chemin devient mâchable. Et votre ami Hertz avait l'un de ses pots et assez spontanément, au matin, le ventre creux, vous vous tournez vers lui distraitement, sans échanger un mot, vous plongez les uns et les autres la main dans le pot pour tromper la faim et manger ses fruits. Vous reprenez votre route les indications de votre ami Lagaude qui traduit celle de Dragon, le chemin qui mène au domaine de la Reine du Bois. en marchant, tu as toujours à l'esprit Smerdi, des enfants perdus au cœur du bois et que la reine du bois n'a pas protégé, même si elle a su préserver ta vie, elle n'a pu préserver la vie de ses enfants. Et peut-être est-ce Dragon avec sa gidouille Hertz et la gaude allant vers cette même reine du bois, un moyen de préserver les enfants restants des ortillons du déluge qui s'est abattu et de la faim qui pointe. Bientôt les réserves de la communauté s'épuiseront. Il n'y aura plus rien à se mettre sous la dent. Vous marchez un bon moment sous une pluie fine et pénétrante. Vous arrêtez sur une ligne de crête alors que point l'aube et vous mettez un temps certain avant de déterminer qu'il y a eu un changement. Un silence qui s'est instauré. Un silence que vous n'avez pas goûté depuis longtemps. Seuls vos semelles battant le chemin s'entendent le bruissement de vos vêtements, mais autour de vous, la pluie s'est tue. Enfin, elle s'est tue. Peut-être n'est-ce qu'une brève accalmie. Vous êtes encore ruisselant de celle-ci. Vos cheveux sont imprégnés de pluie, de sueur, et vous avez marché longuement avant de comprendre, d'éprouver le soulagement que prodigue cette éclaircie. Les nuages s'écartent. Sur des arbres aux branches crochues, des écorces ridées, des voiles de feuilles blanches traversées par les soupirs du vent. La forêt en contrebas semble tomber de vieillesse. Vous avez imperceptiblement quitté l'ébauche de chemin que vous suiviez jusqu'à présent. Vous avez gagné le couvert maintenant ruisselant d'un bois qui ceint les derniers contreforts de Cachel. Le pot est vide. Vous avez faim. L'un de vous deux va lancer un dé. Ok. L'autre lance le deuxième. Gabriel, s'il te plaît. Oh, ça va. Un travail de guet. Et j'ai besoin d'un jet de des 12. Et 11, ok. Et toi, Gabriel? Un des 8, j'imagine. Non, un des 12 également. 10. Autour de vous, la nature est encore toute ruisselante de l'eau qui s'est épanchée des jours et des jours durant. Un nombre d'heures incalculables où les nuages se sont amoncelés. Certains encore stationnent en contrebas dans la vallée. Oblitèrent la vue des arbres, des cathis étêtés par la pluie. Leurs feuilles leur ont été arrachées. Certains arbres semblent presque morts, renversés à demi dans la boue. En revanche, sous couvert de ceci, dans les lueurs que jette un timide soleil attiré par cette trouée au sein des nuées, les herbes folles, les fleurs, sont innombrables sur les bords de ce petit chemin de terre sur lequel vous vous trouvez. Les herbes sont hautes, on devine plus qu'autre chose le chemin. On discerne avec peine les deux rails rouillés qui subsistent. Il y a flottant sous les soupirs du vent qui a dissipé il y a quelque temps, la masse de nuages qui s'était amoncelée sur les hauteurs de Cachel. Sous les soupirs de celui-ci, des pochons bruissent, des pochons du temps jadis, et sont portés, soupesés, relâchés dans les hautes herbes. et au loin, s'enfonçant vers les premiers cocons qui sont installés au pied de l'amoncellement vertical d'arbres gigantesques qui forment Cachel. Sur ces cocons, vous apercevez des petites silhouettes dans le lointain qui s'agitent. Ceux qui habitent le Cachel ont coutume de dresser en pierre sèche et au moyen d'écorce arrachée au corps des bouleaux qui saignent la lisière de la forêt, de petits abris qui leur tiennent lieu de demeure. On les appelle les verticaux, car contrairement à vous, les horizontaux qui vous installez sur vos radeaux, sur les eaux de Serpentine, ils s'installent au cœur même du bois gigantesque de Cachel et vivent au creux des arbres. Et là, vous en voyez distinctement vacant à leurs occupations sur les hauteurs, accompagnant leurs têtes de bétail, des chèvres, des moutons, qu'ils mènent vers de grands champs qui sont encore nimbés de brume. Hertz s'est plaint plusieurs fois qu'il avait faim et que son pot était quasiment vide. Si j'étais pas mort de faim, de fatigue et de froid, jamais j'aurais quitté le bois. Ça me dit rien qui vaille, ces hauteurs. Ces ans sont pas comme nous et on dit qu'ils sont pas accueillants. T'as une meilleure idée? Une légende raconte que ce sont de ces naufrageurs qui ont dérivé, qui sont devenus hors là. Quoi, ces naufrageurs? Je n'y peux rien. Si on vaut plus que quelques planqués. Le vieux, il m'a dit c'était des épouvanteurs qui habitent là et qu'il fallait se méfier parce qu'ils étaient prompts à assassiner ceux qui viendraient sur leur terre. Je m'approche et je lui dis, t'inquiète pas, on fera attention. Le chemin que vous suivez, les deux rails rouillés s'enfoncent dans la vallée où vous avez vu des silhouettes accompagner un petit groupe de moutons ou de chèvres. Sève, sous ta coupe, je m'ébranle sourdement, et quand le bois m'envahit, tu me séduis. Mais, dernière danse oblige, je fuis. Mort je serai, mais la folle transe me saisit soudainement. Couard ou monstre, je suis. À jamais je te veux, ô toi, vie. Je te sens palpiter sur mon front, était-ce donc là mon ultime effort? À côté de toi, Hertz s'est installé sur l'herbe touffue. Manifestement, il est éprouvé par la longue marche de la matinée. La dame qu'on va voir, elle est encore loin au cœur des bois. Il y a la goutte qui m'a dit qu'il recherchait. Vous dites la reine du bois? Et le vieux, lui, il m'a parlé de la magicienne. Je ne sais pas qui c'est, si c'est la même. C'est peut-être la même, ou peut-être que si on trouve la reine, elle saura nous dire où trouver la magicienne. Vu que la reine est censée avoir le royaume qui est la forêt, elle doit connaître tous ses sujets. Du coup, elle doit connaître la magicienne. J'ai pas tout compris ce que vous avez dit cette nuit, mais surtout, vous ne samaillez pas à nouveau, hein. Mais il m'approche pas cette raison. Mais cette nuit, Vous avez parlé que la reine de la nuit, elle aurait protégé les orphillons des Orlas. C'est ça, l'ami? Elle me protège parfois parce qu'elle aime jouer. Elle, sinon, ce sera trop facile pour elle. Elle aime se donner ses propres défis. Bon. De toute façon, on a marché longtemps. Je propose qu'on dorme. Parce qu'on est en fin de journée. Hein, non, on est vers le midi. Ah merde, je propose qu'on fasse une pause pour nous. On va discuter de ça et on se repart. faudrait trouver à manger parce que moi j'ai vraiment faim. Hein. Ah, vous savez quoi chercher? Si j'avais su que j'aurais aussi faim, jamais j'aurais quitté les ortillons. Hein. Si j'avais su, je t'aurais pas venu. Tu te moques de moi encore, toi, là-bas? Je te taquine. Ouais. Tu dis ça, mais je sais bien que tu te moques. Mais c'est pas de la moquerie. Enfin, si tu veux, mais c'est de la moquerie gentille. Je trouve ça rigolo, la façon dont on le dit. Bref, plus sérieusement, vous avez une idée de où chercher à manger? Cette fois-ci, on a lancé tout le monde. Hein. On pourrait bien se servir de ton corps. Le mort, c'était en prime. Je crois qu'il plaisante. On va dire qu'il plaisante. Hein. Le mort, c'était cadeau. Bref, quelqu'un a une idée constructive et toi, tu la ramènes pas. Pardon. Bon, d'accord. On pourrait faire des graines. Bon, bah, tout ce que vous trouvez sur le chemin qui a l'air comestible, faites quand même attention, hein. Ça ne va pas manger n'importe quoi, mais on va essayer de ramasser le plus possible sur le chemin en évitant de vandaliser les plantations et élevages. Sinon, on risque de s'attirer la foudre des propriétaires. D'accord? D'accord. J'attends un moi, je souffrirai à rien sans t'avoir demandé. C'est toi qui nous diras. Malheureusement, son caractère de cochon, il est calé aussi. Hein. Et comment elle est, dit ta magicienne? Tu m'as jamais dit comment elle était. Une femme large, enfin plutôt grande, très grande. Elle dépasse les 2 mètres. Son corps est mince comme un roseau. Elle a 2 yeux noirs qui palpitent sans cesse et sont... Alors c'est pas la même, hein, parce que le vieux il m'a parlé d'une toute petite créature. On dit la magicienne, mais en fait c'est un monsieur, c'est pas une dame. Peut-être que la reine saura nous dire où trouver le ou la magicienne. Elle a des yeux qui sont pas des yeux. Quoi, elle voit pas au travers de ses yeux comme Dragon. Il parle pas avec sa voix, mais il parle avec celle de Gaude. Du coup, je me retourne vers Gaude et Dragon. Vous avez une idée de où chercher? La Gaude dit nous suivons la trace laissée dans le sillon de la gidouille. D'accord. Il souffle dans la gidouille et il écoute. Et quand l'appel retentit, on peut entendre le chant des conseillères qui sont autour de la reine du bois. Soit, je vous fais confiance. Et du coup, là, j'essaye d'inciter tout le monde à reprendre la route. Tout en essayant de récupérer une structure. Mais ce qu'il y a de plus notable dans son physique, c'est que, à la place d'un ventre, à la place d'un buste, elle n'avait qu'un large trou. Un large trou qui ignorait. Il y avait juste ses organes qui palpitaient, son cœur, ses poumons, et pourtant on arrivait à voir au travers. Et elle parlait d'une voix décharnée, ses mains étaient pâles, sauf le bout de ses doigts qui suivait, qui, comme toutes les... Comment, quel mot? Les espèces de membranes qui suivent tout ton corps, tes articulations, bien... Tout cela était noirci d'un noir irrécupérable. Et elle avait des sortes de cornes comme celles que... Tu vois les représentations du satyre. Les représentations qui s'attirent? Non, du satyre. C'est l'humbook. Celui qui a des jambes de bouc et un torse d'humain avec des petites cornes. C'est pas ça. Il y a ça ici. Mais tu te souviens pas du conte du satyre qu'on a au village? Oh, c'est pas important. J'ai jamais entendu ça, moi. Non, mais écris-lui mieux, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu te dises, hein. Il possède... Je vais marcher en disant. Tu vois ce que c'est qu'un bouc? Bah oui, il y en a... Il y en a là-bas. Regarde. Imagine. Regarde là-bas le bouc. Du coup, je regarde le bouc, est-ce que c'est un bouc? Ou est-ce que c'est un... C'est un étrange bouc qui se tient non loin de vous. Il y a un remblai avec quelques pierres sèches qui marquent un enclos. Je regarde plus le bouc. Est-ce que ça me dit quelque chose, le bouc? Une légende, ou que ce soit Le bouc, lui, te regarde en retour. Il a de petits yeux jaunes. Deux grandes cornes qui pointent vers le ciel. Et deux cornes incurvées qui pointent vers la terre. Faites gaffe! On dirait quand même des défenses de mammouth, hein, ce que tu décris, hein, mais bon. Faites gaffe! C'est un bouc. Mais tu vois, c'est un bouc qui est censé remblayer les chemins. Faites gaffe, la planquée. Non mais. Tout est méta, ça. Oui, je fais gaffe, c'est bon, je vais pas suicidaire non plus. C'est l'un de ses serviteurs. J'ai tout le dé. Moi, je continue. C'est son espion, le corbeau. La Godi. Vous voyez ? Il vient du... Il y a Hertz qui dit... C'est lui le bouc ? Alors, vous normalement, parlez, non. C'est lui le satyre ? Non. Satyre, eh bien, c'est tu vois les cornes tout en haut ? Elle les a. Mais lui, regarde-le bien. Garde-le en ta mémoire. Lui, il ne faut plus jamais le recroiser. Il s'appelle le corbeau. C'est son espion. C'est son éclaireur. C'est lui qui veille sur la sûreté des Horla. C'est le serviteur de la reine. C'est lui-même un Horla, mais c'est l'un des plus importants du bois. Faut surtout pas le recroiser. Allez, on accélère le pas. Mais il nous regarde. Il nous suit. Hé, regarde, il nous suit. Ouais. On peut pas le tuer. On peut pas l'éliminer. On n'aura pas la puissance. On n'a pas les moyens. Et ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on puisse faire, c'est fuir. Alors il faut courir, c'est ça? Il va pas très vite. En fait, si on court, ça va se déveiller sa suspicion. Il vaut mieux qu'on presse le pas. Et là, on marche, mais plus vite. C'est tout. On n'est pas au stade de courir. Du coup, occultez vos pensées. J'essaye de lui imprimer ma marche rapide, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu lorsqu'on tient la main de Xavier et qu'on le force à aller un peu plus vite, mais sans courir. C'est ma marche à moi. Donc tu presses le pas. Je presse le pas et je l'incite Hertz à faire de même. Place sa main dans la tienne. Gaud prend ton autre main. Elle tient la main de Dragon qui peine derrière avec toujours en main sa gidouille à moitié... enveloppé de tissu rouge. Noyez vos pensées dans un champ, je ne sais pas. On a bien un champ. Je pense à manger. Moi, personnellement, mon personnage, je pense à manger. Occultez toutes vos pensées. Et que souhaites-tu manger? Peu importe, quelque chose de comestible. J'essaye de penser à tout ce que je pourrais potentiellement trouver à manger. J'ignore ce qu'il dit. Bon, rien affiche. Moi, je pense à tout ce que je pourrais... Des champignons, par exemple? Sauf les champignons. J'ai déjà eu de mauvais coups avec les champignons dans notre partie, donc non, pas les champignons. Parce que les champignons, il y en a, là, sur le bord du chemin. Ouais, mais bon, je vais trouver le champignon hallucinogène. À mesure que tu marches, Tu vois ces champignons, ces petits champignons. J'arrête de penser à des champignons. Ces petits champignons à moitié affaissés par les pluies abondantes. Je demande aux autres, est-ce que vous voyez les champignons? La goutte te dit. Oui. Là, il y a des petits champignons qui font rigoler. Oui, on va éviter. Bon, bah au moins, c'est bon qu'il devient fou. Ah, c'est bon, ça, hein? Peut-être. Okay. Allons cueillir. Vous devriez en manger aussi. Ça nourrit bien. J'en prends pas. Je continue à marcher. Je pense qu'il faut presser le pas. Dragon s'est arrêté. Et ils sont en train de manger, cueillir. Il faut presser le pas. Un le peu corbeau plus loin continue. Dans les herbes, il y a une espèce de monticule de pierre sur une pièce de bois complètement rongée par la mousse. Et à l'aplomb des pierres, au milieu des pierres, a poussé un beau cercle de champignons. Une série de cercles concentriques, des champignons blancs et jaunes, au chapeau jaune, au corps blanc renflé, légèrement cireux d'apparence. Ils sont encore pleins de pluie. Hertz s'en approche. Ah, moi, je vais manger ceux-là, ils ont l'air appétissants. Stop. Et là, je m'adresse à la boue des dragons. Eux, ils sont comestibles, en pointant ce que Hertz voulait manger. Des champignons qui rient aussi. Bah, venez manger avec nous. Le corbeau est toujours sur notre pas. Je prends un champignon et je dis, bon, prenez 2-3 champignons, et on marche. Mais je le prends et je le range dans une poche que j'ai, et je mange plus tard. Maintenant, je pensais plus qu'à la marche. Pensez à quelque chose qui ne pensait plus. Attendez, c'est drôle toi, ne pensais plus. Tu veux qu'on devienne un caillou? Devenez un caillou, c'est cela. Pensez à devenir un caillou. Pensez le caillou. Chantez tous, je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Faire la tête de caillou, Silverman. Qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes un caillou. Nous sommes un caillou. Oh, il m'ôtait plus, il essaie de dormir, mais Gaius, il est en mode. Mais qu'est-ce qu'ils font, les cailloux? Je vois pas ça voler. Quand as-tu vu des cailloux dans les bois? Était-ce dans une clairière des pierres assemblées pour former un cercle pareil à celui des champignons vu tantôt? Non. C'est cette carcasse d'oiseau, cette fausse carcasse d'oiseau qui est en dessous du trône de la reine. Un large phénix, enfin du moins c'est ce que je vois comme un phénix, qui est fait tout de pierres de granit qui sont profondément ancrées dans le sol et qui sont peintes parfois de drôles de taches de sang. Je touche pas. Ah, ça, j'y touche pas, par contre. C'est ça que vous avez. Je le prends délicatement, en rendant compte de l'horreur que c'est, et je le balance discrètement par terre, tout en continuant à chanter avec eux comme un mongol. Enfin, un mongol. Comme un débile. Insulter les mongols. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Non, mais t'as même plus l'air. Voilà, tu m'as compris. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Non, mais j'explique. C'est. Moi, je jette un regard. Vous gagnez une clairière un sous-bois ombreux, alors que vous entendez le bruit familier de l'eau qui ruisselle à nouveau la canopée. La pluie a repris ses droits. Vous êtes à nouveau en serpentine dans le déluge d'eau qui s'abat sur elle et qui noie tout de ces brumes blanches et jaunes qui noie tout dans cet entre-là, dans ces entre-là. Et pourtant, au-dedans du bois, il y fait bon. L'eau ruisselle alentour et vous entendez au loin le son ténu d'un violon. Un archer crie, le crin court sur les cordes tendues. La table résonne à l'unisson et le son s'épand et vient vibrer jusque dans le pavillon, projetant de petites lueurs jaunes et blanches, de petits souvenirs de sons, de rires entendus autour des ortillons. Dans la clairière, les arbres, l'écorce des arbres est rugueuse, à souhait. Ils ont presque tous perdu leurs feuilles et malgré la pluie qui renaît et qui ruisselle partout autour, la lumière tombe drue au cœur de la clairière. Sur des pierres agencées comme les champignons de tantôt, en un cercle presque harmonieux. Un petit groupe de pierres lisses disposées au sol et qui forment un cycle, un cercle, un rond. Je m'interroge sur ce que c'est de loin. Je tourne un peu autour pour essayer de comprendre. Et à mesure que tu tournes, tu vois que ce ne sont pas des pierres mais des blanches, mais des feuilles qui sont devenues pierres ou des pierres qui deviennent feuilles. Très bizarre. Et la pluie cesse et ce n'est plus péril. Mais peut-être opprobre ou vos membres, le temps a changé. Un acouphène envahit vos oreilles, vous êtes privé du son de la pluie qui ruisselle. Peut-être a-t-elle cessé. Et là-bas, okay, dans l'ombre, près de la vieille souche qui dessine l'ébauche d'une grotte, dans ses racines se tient au cœur de l'ombre une silhouette qui n'a pas d'yeux mais deux reflets qui renvoient les chatoiements de soleil. On l'a trouvé. Une silhouette chétive, maigre, banal. Du coup, je m'adresse à tout le monde et je dis, nous l'avons trouvé. Vous êtes dans une clairière. La pluie a repris. Vous êtes réfugié sous les arbres. Et la vie suspendue à la goutte d'eau de ces pluies s'est répandue partout au-dedans du bois. Les bouleaux alentour sont couverts de toutes leurs feuilles qui ruissellent sous cette eau qui d'abondance irrigue Serpentine. Vous êtes tous les trois assis, vous mangez vos champignons jaunes et vous remarquez non loin de vous, près d'une vieille souche, ce que vous n'aviez pas remarqué jusqu'alors, c'est le bruit d'une branche qui est tombée, une branche morte que l'arbre a lâchée à regret, ployant sous les eaux. Sous le poids des eaux, sous ces gouttes suspendues sur ces gouttes, interrompant le cours de la vie de cette branche et la suspendant haut dans le ciel pour la relâcher maintenant que vous êtes au cœur de la clairière. Et sur le sol, de nombreuses branches ont été brisées, comme la litière de quelques immenses mertruis. Les branches ont ployé, elles gisent toutes brisées. Les feuilles, ils sont là, toutes séchées, toutes racornies. Et vous avez le corps tout ensuqué, tout englué. Vous apercevez la périphérie de votre champ de vision, là où la végétation reprend ses droits et se mêle, s'entremêle dans une débauche de verdure. Comme des mouvements dans l'air. Des volutes qui tournent, qui s'assemblent, forment feuilles et branches. L'ébauche d'un tronc jeté à bas par l'orage de l'été précédent, qui se joint aux feuilles. Et fait corps avec elle. Devant vous se tient courbée une silhouette chétive qui bruisse de ses feuilles en relâchant un sifflement feuillu perceptible dans tout votre corps qui est tout ensuqué, tout englué. Créature sylvestre à quatre pattes, quatre sabots de bois, quatre branches. Retrouver le centaure de la forêt. Qui s'écarte de son corps pour bruisser de ses feuilles. Et quatre têtes étroites couvertes de poils ou de mousse, une mousse noire et drue, et quatre fois quatre yeux blancs laiteux. Ça ressemble un peu, hein. Que faites-vous? Je suis interloqué devant la créature. Je ne sais que faire et j'essaie de comprendre ce que c'est. Et je lance un bonsoir au jour. C'est le jour. Le jour traverse la clairière et inonde. Du coup, je lui dis je suis un caillou. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis un caillou. La gaude te donne la main. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Elle tend la main vers toi. Dragon vient à ta droite. Hertz se tient entre vous. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Je vais vous danser. Vous dansez ensemble. La créature s'affaisse dans un bruissement et sifflement de branches et disparaît avec la pluie. Fin d'épisode. Alors, nous allons passer au bilan à chaud de cette session. Alors, par rapport aux trois questions habituelles, alors vous me corrigez si je me suis trompé sur l'une des questions. Est-ce que ça m'a plu ? En effet. Est-ce que je suis disposé à jouer la prochaine fois ? En effet. Est-ce que j'ai été immergé dans le personnage ? Vu notre échange relativement mouvementé du début, si je dis non, je suis un menteur. Est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir une emprise sur le récit ? Je fais la même référence par rapport au même moment du récit, en effet. Et il me semble qu'on n'a pas d'autres questions en briefing habituel. Alors là, moi j'en ai. Je vais répondre aux questions habituelles. Alors, on attend les questions. Donc, la fiction m'a plu, elle était intéressante, et notamment je me suis senti maître du récit. Je suis prêt à rejouer le plus tôt possible. Et j'ai ressenti le fait que j'étais entre guillemets un des maîtres du récit. Et que j'avais un impact. Cependant, j'ai un remords, c'est sur le premier échange. C'est que, à un moment, je jouais le personnage, dans sa trombine, il est impoli, il a une voix stridente, le côté, dans Fripouille, t'as mis deux niveaux de lecture, soit la Fripouille, en le sens A, t'es qu'une Fripouille, toi, mais, c'est une insulte qui n'a plus, enfin, une insulte, quelque chose qui discrédite, mais qui n'a plus cours dans notre monde actuel. Oui. Soit le terme qui revient à dire que t'es un enfoiré. Et là, même en prenant en compte cela, j'ai trouvé qu'au niveau du phrasé que j'ai employé, j'ai été un peu trop loin, notamment quand j'ai dit je m'en branle, voilà. Et ça, c'est vraiment venu à chaud quand j'essayais d'incarner mon personnage. Mmh. Et ça, j'éprouve du remords à l'avoir joué. Et à la limite, ça, je le virerais, moi, de ce que j'ai joué. C'est un des trucs... T'es pas à l'aise avec l'agressivité qui est ressortie, c'est ça ? Non. Oui, l'agressivité... Tu n'es pas à l'aise avec l'agressivité, c'est bien cela ? Oui. Je comprends pourquoi ça te gêne, mais moi j'ai trouvé que ça permettait de voir sur quel point était dissonant mon personnage et que ce genre de... C'est pas moi. Non, j'ai cru que c'était mieux en fait. Et ce genre de différences peuvent mener à quel point, justement. Donc ça permet de développer certaines pistes. Alors, le conflit entre personnages, c'est pas absent du jeu de rôle, c'est même un classique de beaucoup de jeux. Oui, je m'en doute, mais le but c'était... Non, on l'a pas joué, nous, table. On l'a assez peu joué. Oui, mais justement, je trouve que ça change un peu. Au départ, j'étais pas ultra à l'aise avec, mais j'ai trouvé que ça allait, que c'était logique. Et justement, en fait, au départ, j'avais plus pris la position de Goupil quand je lui ai parlé, pas la position de mon personnage. Sauf que dans Fripouille, il n'y a pas de Goupil. Oui, mais libre à lui de le créer. Libre à moi de le créer. Donc, comme tu m'as répondu avec personnage, du coup, j'ai un peu changé ma thématique et j'ai essayé de passer sur le personnage. Mais à la base, c'était vraiment en tant que Goupil que je m'adressais à toi. Moi qui étais spectateur de l'échange, je suis resté longtemps spectateur, peut-être trop, mais moi qui l'étais, donc, j'avais le sentiment au début que c'était effectivement, on était en train de jouer à Arbre et il jouait ton Goupil. C'est comme ça que ça s'est instauré la scène. Pour moi, la première perception. Après, donc c'était le but, à la base. Après, c'est devenu un échange du ce qu'on appelle le PVP dans le milieu JDR, flagrant. Le changement, je l'ai ressenti. Donc c'est, en fait, le changement, je crois que tu l'as ressenti au moment où il a commencé à évoquer mon personnage. Je crois qu'il a qu'à un moment net, genre, il a dit espèce de planqué ou un truc comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, j'ai changé d'attitude parce que il s'adressait pas au pile. En soi, on aurait pu le considérer comme espèce de planqué, c'est le goupil qui est planté. Planqué dans oui, ma mais tête. Mais en l'occurrence, quand tu as dit espèce de planqué, je pensais que ça faisait référence à une personne, du coup, j'ai changé d'attitude. Moi, je l'ai pensé comme ça sur le moment, mais en fait, je me dis que sur ce mouvement de lecture, enfin, sur ce, ça pouvait s'inscrire dans cette dynamique de lecture, et que limite, ça en deviendrait pour moi plus intéressant, parce que je suis assez. En fait, j'aime pas, moi, le PVP, de base. Ouais, et moi non plus, mais je et moi, en vous ayant coupé, en ayant profité d'une pause... Désolé. Non, mais pas de souci. En ayant profité d'une pause qui aurait dû se faire de toute façon, j'ai changé... Oui, t'as changé le cap. Le cap, j'ai influé sur le récit de façon autoritaire, et là, ça reste... La façon dont j'intervenais, ça permettait soit de glisser sur du PVP pur, classique, soit laisser libre cours à l'interprétation, ce qui, pour moi, c'est ambigu. On peut considérer que vous êtes, vous avez mal dormi l'un comme l'autre. Bah, moi, je le voyais plus comme ça, en fait. On était tous les deux sur les nerfs. Du coup, on s'est foutu sur la gueule pour, entre guillemets... faire baisser la tension, ouais. Ce qui n'a pas vraiment marché, vu qu'à posteriori, nos personnages se détestent. Un combat de frères. C'est exactement c'est ça. Généralement, j'aurais ça. Pas mieux dit, j'aurais cherché une autre façon de le dire, mais j'aurais pas mieux dit. Donc, je pense que là, c'est un aspect qu'on n'avait pas exploré réellement à la table. Vous avez eu des conflits parfois. Oui, mais, oui, mais c'était souvent avec Goupil. Voilà. C'était... C'est sérieux ? C'était plus interpersonnel joueur. Là, c'était vraiment du conflit de personnage. Donc moi, on a failli avoir un conflit de joueur d'ailleurs au départ. Ah non. Moi, je l'ai pas pris comme conflit de joueur. Je l'ai vraiment incarné mon personnage. Non, pas celui-là. Celui sur éponger la feuille. Oui. Ça a pas été en on, mais on a failli avoir un conflit à la con à cause de ça. Alors, au-delà de ce conflit qui a émaillé conflit de personnage, donc en conclusion, qui a émaillé le et plus rien. Ouais. Oh, ça va, c'est bon, on s'en fout, on finit le débrief, merde. Qui a émaillé la session. Il y a un autre aspect dans la session, donc on a un peu bougé, il s'est passé quelques petits événements, et il y a eu des éléments un peu oniriques, un peu étranges qui sont survenus. Et vous avez choisi ce qu'on pourrait l'obsession de ma formulation du pas de côté, mais là pour le coup c'est bien ça, vous faites la ronde et vous avez un pas de côté. Alors ça c'était mon idée. Je suis un caillou, comment l'avez-vous vécu? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait une rencontre, avoir été confronté à une forme d'adversité? On a été confronté à une forme d'adversité, et justement, on devait se réfugier dans un mysticisme profond. C'est en rapport avec mon personnage, en partie, en plus de celui de Gabriel. Mysticisme profond, afin de camoufler nos pensées. Donc, comme il agit sur nos pensées, il se retrouve face à des cailloux, littéralement. Du coup, il ne sert plus à rien. Du coup, il abandonne, en fait. C'est pour ça qu'il s'effondre. Il abandonne parce qu'il ne peut rien. On a déjoué sa stratégie. Il sait que si on le voit, on fera « je suis un caillou », du coup, il abandonne. Enfin, c'est mon interprétation. Hein. Alors, le fait que cette confrontation n'ait pas donné... Vous l'aurez noté. N'a pas donné lieu à des jets de dés. Ouais, elle n'a pas donné lieu à des jets de dés. On l'a joué dans la dynamique. On est d'accord? Oui. Chacun a utilisé les réflexions des uns et des autres. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça très bien, parce qu'au départ, j'ai essayé d'intervenir. Gabriel a dit « je suis un caillou ». Du coup, malgré le fait que mon personnage déteste le personnage de Gabriel, j'ai fait « je suis un caillou », parce que j'ai compris que là, pour le coup, le truc, il allait pas me répondre. Déjà, croiser un truc comme ça, autant se réfugier dans le mysticisme pour voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Sinon, au pire, il prendra pour un taré. Au mieux, ça marche. Et donc le fait que la résolution de la rencontre, de l'adversité, se soit placée uniquement sous l'angle, on va dire, de votre action en tant que joueuse, ça vous a convenu. Le oui. fait que vous n'ayez pas recours oui, au hasard. En fait, la partie PVP, la façon dont tu l'as tournée m'a plu, parce qu'en fait, ça n'a pas juste été du PVP brut, mais du PVP exploité par la suite. Ce qui a créé des nouvelles perspectives pour moi. Parce que même si tu n'as pas apprécié... ce foutage sur la gueule de nos deux personnages a permis de développer des trucs. je pense que tu l'auras noté toi-même. Et je pense que tu as même vu plus que ce que je peux voir, vu que tu as un peu plus d'éléments, j'imagine. Et par la suite, l'autre, sur le moment, sur l'instant, ça m'a pas dérangé, parce que pour le coup, je voyais difficilement commencer à tourner au jet de dés, hein, c'est pas... Bon, bah, j'ai d'emprise mentale, bon, ça brisait complètement le rythme, là, pour le coup. Ça m'a plu, là. Et ça t'a plu. Mais en fait, les dés, je préfère les lancer quand il y a une action longue. Là, c'est une action très courte, c'est sur l'instant. Donc, ça m'a pas vraiment dérangé qu'il n'y ait pas eu de lancer de dés. Mais sur certaines actions instantanées, j'apprécie quand même avoir certains dés. Mais là, ce genre d'action instantanée, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de dés. Et justement, pour revenir sur Je suis un caillou, je suis très content du Je suis un caillou, parce que c'est dur brainstorm pour le coup, pour reprendre le terme anglais, puisque à la base, c'est toi qui utilisais, qui était en train de tacler mon personnage, et j'ai rebondi tout de suite dessus. Attention, blague nulle, c'est le caillou qui rebondit sur l'eau. Voilà, bref. Alors, y a plein d'interprétations qu'on peut faire de symbolique. La rencontre ou l'adversité, je te le récupère. Non, mais c'est pour que tu regardes, en fait. Ouais, ça, ouais. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent se regarder du point de vue du récit ou de cette perspective-là. Sur cet aspect-là, l'émergence dans cette partie s'est construite autour des 4 jets de dés que vous avez lancés. Donc le premier jet, c'était l'angoisse. Tous les jets étaient plutôt bien réussis. De mémoire, il faut faire le résultat le plus élevé possible à chaque fois. Alors, oui et non. Là, c'est des... Zut de table. Du coup, en fait, on s'en fichait. Il y avait un résultat correct, mais il pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être donc, 1 comme 20, comme 10,5. Il y avait deux aspects, donc deux niveaux. Et il y avait aussi deux lectures, c'est-à-dire ce qui semblait arriver. Et ce qui arrivait, effectivement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que tu nous l'as fait lancer dans le même ordre tous les deux. Exactement. On imaginait ce que j'ai lancé, ce qui s'est passé réellement, c'est ce que Gabriel a lancé. Gabriel. Non, je pense que c'était un lancé chacun. En fait. Oui, c'était un lancé chacun. Mais t'avais un premier dé 20 qui définissait. Mais en fait, c'est une action. C'est le premier, c'est l'action qui se passe réellement. Le deuxième, c'est la façon dont on le voit tout le monde. Et c'était comme ça, on définissait une action par. Parce que en fait, on l'a. Non, le premier. Il n'y a pas eu de différence de vision. En l'occurrence, il y a eu différence. Il y a deux choses qui se sont. C'est moi qui ai lancé ce qui se passe, ce qu'on voyait, et c'est toi qui as lancé ce qui se passait. Si je veux dire. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, tu vois. J'ai raison. Et donc, voilà, c'était l'aspect que j'ai, ou la partie technique que j'ai mise en œuvre dans cette partie. Ça vous a pas dérangé l'apparition du l'aléatoire? C'est une table que j'ai... Non, ça ne me dérange pas. J'ai une question existentielle.